بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il nous dit selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma que Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu priait, accomplissait la prière du Isha avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il retournait auprès des siens et priait avec eux. Cette même prière, l'Isha. فهذا الحديث فيه جواز اختلاف نية الإمام والمأموم. Il y a dans ce hadith la licéité quant à la divergence des intentions, ou alors la différence des intentions de l'imam et du ma'moum. C'est-à-dire que celui qui prie derrière l'imam n'a pas forcément besoin d'avoir la même intention que l'imam. وقد اختلفت العلماء في هذه المسألة كما ذكرناه سابقا. Et certains savants, ils ont divergé sur ce sujet, comme on l'a vu précédemment. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل مستدلا بهذا الحديث. L'imam الشافعي, par exemple, l'imam الشافعي, il voit donc qu'il est permis à celui qui accomplit une prière obligatoire de suivre un imam qui accomplit une prière surérogatoire. Et l'imam al-Shafi'i, il se base sur ce hadith pour dire cela. Wa dhahab al-jumhur ila adami jawaz dhalik. Et la majorité des savants, des imams, ils voient que cela n'est pas licite. C'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, Malik et Ahmed, ils voient donc qu'il n'est pas permis à l'individu d'accomplir une prière obligatoire tout en suivant un imam qui accomplit une prière surérogatoire. وهؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. Et ces savants-là, ils se basent sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Certes, l'imam a été placé pour être suivi, alors ne divergez pas de lui. » فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُخَالِفَ الْإِمَامُ وَمِنْ ذَلِكَ النِّيَّةِ. Et donc ils disent qu'on comprend ce hadith, que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il ne peut pas diverger de l'imam. Il ne peut pas faire autre chose que ce que l'imam il fait. Et parmi cela, il y a l'intention. Enniya. لكن هذا الاستدلال غير صحيح. فإن المراد بهذا الحديث النهي عن مخالفة الإمام في الأعمال الظاهرة. Cependant, l'utilisation de ce hadith n'est pas correcte. Car ce qui est voulu dans ce hadith, comme on l'a déjà cité précédemment, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, le prophète il a interdit que cet individu diverge de l'imam dans les actes apparents. C'est-à-dire les actes apparents. On ne parle pas ici donc des actes du cœur, des actes cachés. Amma niyya faja'at adillatun min ash-shar'i ala jawaz ikhtilaf an-niyya. Et en ce qui concerne l'intention, donc les actes cachés, il y a plusieurs preuves de la législation qui montrent qu'il est permis que le ma'moum et l'imam n'aient pas la même intention. ولكن الجمهور قالوا إن حديث معاذ ليس صريحا فإنه يحتمل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يصلي بالناس الفريضة. فلا يدل الحديث وحده على أن المأموم يجوز له أن يصلي خلف متنفل. الجمهور Lorsque donc Al-Shafi'iyya, ils utilisent le hadith donc de Jabir ibn Abdillah qui dit que Mu'ad il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il priait avec les siens. Lorsque Shafi'iyya ils utilisent ce hadith al-Jumhur, ils répondent en disant ce hadith n'est pas clair. Il ne montre pas clairement que Mu'ad, lorsqu'il priait avec le prophète, il faisait une prière obligatoire. Et ensuite, lorsqu'il priait avec les siens, il faisait une prière surérogatoire. Car il est possible que Mu'ad, il priait avec le prophète, mais avec intention d'avoir une prière surérogatoire. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Là-dessus, on est d'accord. Et l'imam, donc il est permis au ma'moum d'accomplir une prière surérogatoire derrière un imam qui fait une prière obligatoire. Ils disent là, il n'y a pas de problème. C'est l'inverse le problème. Ils disent, or, il n'y a aucune preuve qui nous montre que Mu'ad, lorsqu'il est allé auprès des siens, il accomplissait une prière surérogatoire. Il se peut que c'est l'Isha qu'il priait. Il se peut que c'est l'Isha qu'il priait. Et donc ils disent, on ne peut pas utiliser ce hadith pour dire que le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il peut donc accomplir une prière obligatoire derrière un imam qui accomplit une prière surérogatoire. لَكِنَّ هَذَا الْكَلَامِ اَيْنَا غَيْرُ صَحِيحٍ. Cependant, cette parole aussi, elle n'est pas correcte. لِأَنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِي أَخْرَجَ فِي كِتَابِهِ الْأُمْ وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةً فِيهِ أَنَّ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يصلي مع قومه هي له تطوع ولهم فريضة. Cependant, donc l'imam al-Shafi'i, il a cité dans son livre Al-Umm ainsi que Al-Bayhaqi, ils ont cité donc ce même hadith, mais une autre narration. Une autre narration qui stipule que Mu'ad, il priait avec les siens, donc après avoir prié avec le prophète, il priait avec les siens. Et cette prière-là était une prière surérogatoire pour Mu'ad et obligatoire pour les siens. Et donc là, c'est clair. C'est clair qu'on avait des gens qui accomplissaient une prière obligatoire derrière un imam qui accomplissait une prière surérogatoire. Idan, kana Mu'ad yusalli bihim mutanaffilan. Et donc Mu'ad, il accomplissait avec eux une prière surérogatoire et eux, c'était pour eux une prière obligatoire. وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذَا الْقَوْلُ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ قَوْمَهُ قَدَّمُوهُ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. Et parmi les éléments qui vont appuyer cette argumentation, le hadith qu'a cité donc Al-Bukhari dans son Sahih, selon Amr ibn Salama, qui nous dit que les siens l'ont avancé pour diriger la prière. C'est lui qui dirigeait la prière alors qu'il était un enfant de 6 ou 7 ans. Et shahid huna, elle est où donc? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette preuve? Où tirons-nous ce jugement de ce hadith? On tire cela du fait que Amr ibn Salama lam yakun baliran. Et donc la preuve ici, c'est qu'Amr ibn Salama, il n'avait pas atteint la puberté à ce moment-là. Et donc la prière le concernant, elle était surérogatoire, elle n'était pas obligatoire. La prière concernant l'enfant, elle n'est pas obligatoire. Et donc c'est hiya nafila. Et donc les savants, ils ont dit, à ce moment-là, ce hadith est une preuve, c'est une preuve qui montre qu'il est permis que l'imam accomplisse une prière surérogatoire et ceux qui prient derrière lui font une prière obligatoire. وذكر العلماء من فوائد هذا الحديث مشروعية انتظار الإمام الراتب للصلاة. Les savants, ils ont cité donc de ce hadith que il est légiféré d'attendre l'imam donc officiel pour accomplir la prière. Pourquoi? Parce que Mu'ad, ici, il priait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le temps de se déplacer jusqu'au sien pour prier avec eux, là, à chaque, il n'y a nul doute que, il y aura donc, cela va prendre un peu de temps, et que, il se peut que ça retarde leur prière. Et malgré cela, ils attendaient. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. Ensuite l'auteur il nous dit, donc selon Anas ibn Malik رضي الله عنه, qui nous dit, nous prions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant une chaleur ardente. Et si l'un d'entre nous n'avait pas la capacité de poser son front sur le sol, alors il mettait son vêtement et se prosternait sur celui-ci. Il mettait son vêtement et se prosternait sur celui-ci. هذا الحديث فيه جواز السجود على الثوب. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est permis de se prosterner sur le vêtement. Il est permis de le faire. Et ça, c'est l'avis de l'Jumhur. C'est-à-dire Abu Hanifa, Malik et Ahmed. وَذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي. Donc tout à l'heure, on a vu donc, que l'avis le plus juste dans le sujet qu'on a vu précédemment, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. Ici, on a encore une fois Shafi'i qui est seul. Est-ce que c'est lui qui a raison cette fois-ci? On va voir. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفريق بين الثوب المنفصل والثوب المتصل. L'imam al-Shafi'i, il a fait la distinction entre le vêtement qui est lié à l'individu, le vêtement qu'il porte, et un vêtement qui n'est pas lié à l'individu, un autre vêtement que tu vas prendre pour mettre sur le sol. Il fait la distinction entre les deux. Qu'est-ce qui a poussé l'imam al-Shafi'i à faire cette distinction? هو حديث خباب الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا. Qu'est-ce qui a poussé donc l'imam al-Shafi'i à faire cette distinction? C'est le hadith de Khabbab qui est dans Sahih Muslim. Khabbab qui nous dit nous nous sommes plaints auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la forte chaleur. Et il n'a pas répondu à notre plainte. Falam yashkuna. Il n'a pas répondu à notre plainte. Fakalu hadha dalilun ala adami jawazi salati ala thawb. Ils nous disent ça, ce hadith, c'est une preuve qu'il n'est pas permis de prier sur le vêtement. Parce que s'il était permis, le prophète il leur aurait été autorisé. Ils se sont plaints. Le prophète leur aurait autorisé de le faire. وبهذه الطريقة جمع الشافعية بين حديث خباب وحديث ابن عباس. Et c'est comme cela que les savants du madhhab shafi'ite, ils ont rassemblé entre le hadith, donc le hadith de Anas, excusez-moi, le hadith de Anas et le hadith de Khabbab. Le hadith de Khabbab qui montre qu'on ne peut pas, et le hadith de Anas qui montre qu'on peut. Et donc ils rassemblent les deux en disant on peut quand le vêtement il est lié à l'individu. Et on ne peut pas quand ce n'est pas un vêtement qui est lié à cet individu. Cependant, cette interprétation du hadith n'est pas correcte. لِمَاذَا لِأَنَّ الشُّرَّاحِ قَالُوا إِنَّ الْمُرَادِ بِكَلَامِ خَبَّابِ هُوَ الْإِبْرَادِ. Ceux qui ont fait l'explication de ce hadith, ils disent que ce qui est voulu par le hadith de Khabbab, c'est l'ibrad, le fait de retarder la prière du dhuhr jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud. Lorsque Khabbab il nous dit nous nous sommes plaints auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant la forte chaleur, c'est-à-dire on lui a demandé de retarder un peu la prière du dhuhr jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud, et le prophète n'a pas répondu sallallahu alayhi wa sallam à leur plainte. Et ça c'est un sujet qu'on a déjà abordé, le fait de retarder la prière du dhuhr quand il fait trop chaud. Et donc l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est que c'est une sunna. C'est une sunna, et ici le prophète, il n'a pas répondu à leur plainte, parce que les savants nous disent, la chaleur n'était pas suffisamment forte. La chaleur n'était pas suffisamment forte. Et aussi, les savants nous disent, pour répondre justement à cette istidlal de Shafi'i, ils nous disent, si il était interdit de se prosterner sur un vêtement qui n'est pas lié à l'individu, mais qu'il est permis de se prosterner sur un vêtement qui est lié à l'individu, Alors, à ce moment-là, pourquoi est-ce que le prophète ne leur a pas autorisé à se prosterner sur un vêtement? Pourquoi il n'a pas répondu à leur plainte? Il aurait très bien pu leur dire, ok, prosternez-vous sur donc un vêtement, le vêtement qui vous appartient, donc le vêtement que vous avez sur vous, au lieu donc de ne pas répondre à leur demande. Les savants nous expliquent ça pour nous montrer que ce n'est pas cela qui est voulu par ce hadith. Ce n'est pas ça qui est voulu par ce hadith, mais ce qui est voulu par ce hadith, c'est retarder la prière. Et donc l'avis le plus juste, al-rajih fi hadhihi al-mas'ala, huwa jawazu as-sujudi ala thawbi. Donc l'avis le plus juste, c'est qu'il est permis de se prosterner sur le vêtement. Sans oublier que, bien entendu, al-afdal, le mieux, c'est de se prosterner directement sur le sol. Le mieux, c'est de se prosterner directement sur le sol, comme l'ont cité les fuqaha. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra.